Martinique. Toi, la perle des Antilles. Toi, l'île des revenants. Oh, que nous allions, nous te portons dans nos cœurs, car tu es une île que nous chérissons. Oh, toi, qui que tu sois, sache que tu es le bienvenu dans cette île merveilleuse de la Caraïbe. Oh, belle Martinique, dévoile-nous ton charme et ton histoire. Oui, liberté des libertés, a crié notre peuple, un jour grâce à Victor Schœlcher, en 1848. Oh, ce grand poète, dont la renommée a franchi bien des frontières, notre cher Aimé Césaire. Fascination des fascinations, si Paris, cet homme incarcéré dans un cachot qui louera le ciel pour sa victoire lors de l'éruption volcanique. Oh, toi, Saint-Pierre, un jour qui fut la une du monde, dévoile-nous ton histoire. Le 8 mai 1802, jour de terreur et d'angoisse par cette éruption volcanique qui détruisit tout sur son passage, en laissant uniquement des ruines éternelles. Et toi, Sainte-Marie, toi le berceau artisanal, tu nous rappelles souvent nos racines. Et toi, Trinité, qui accueillit des grands de la grande bourgeoisie dans ce fameux château du Duc, dont les ruines font preuve de leur authenticité. Notre fierté. Et vous, le Robert et le François, le charme de vos îlets et la fameuse baignoire au milieu de l'océan nous font oublier tous nos soucis. Trois îlets, terre bénie, qui fait naître une grande dame, l'impératrice de Joséphine en 1763. Au sein de ton sol généreux, naît aussi une poterie artisanale et un golf. Oh, tant d'autres communes et de lieux à découvrir, ainsi que des fêtes traditionnelles et des saveurs diverses. Oh, toutes ces merveilleuses découvertes te resteront à jamais, même à toi qui y résides. Pose aussi tes pieds dans tous les recoins de ton île, en prenant soin d'elle, dans tous ses aspects, et vivra la main dans la main, car cette île est une île du bon Dieu.